fait trop. Claquette baignoire dans le 5 étoiles. J'essaie de m'écarter un peu du ghetto. Mon regard en dit long, pas besoin que je m'étale. Même quand je mets la capuche, ça me reconnaît. Que j'ai la casquette, la chapka ou le bonnet. Tu le sens, tu soutiens, je vais m'abonner. Et si on se croise, je vais te klaxonner. Cet hiver camouflé, si je pars au ski. Je suis dans le 13, si je veux, je me barre au steak. Maman, elle est comme moi, elle s'en fout du Swarovski. Elle me dit, reste ponctuel, prends pas la grosse tête. Bonne année. Tu veux déguster, vive la Dolce Vita. Je t'ai aimé, mais pour toi l'argent c'est bien.